Depuis que j'ai entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire ceci, je n'ai pas passé une seule nuit sans avoir mon testament avec moi. 576. Selon Anas, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, traça un jour des lignes, puis dit, « Voici l'homme, et voilà son terme. Il est ainsi, absorbé par la vie, jusqu'à ce que vienne la ligne la plus proche. » Al-Bukhari. 577. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam traça un carré, puis une ligne au milieu du carré, sortant de celui-ci, et enfin plusieurs petites lignes partant de la ligne centrale vers le côté. Puis il dit, ceci représente l'homme, et voici son terme qui l'entoure. La ligne sortant du carré représente ses espoirs. Et les petites lignes sont les événements de la vie. S'il évite l'un d'entre eux, les autres ont raison de lui. Al-Bukhari. 578. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Empressez-vous d'accomplir de bonnes œuvres avant d'être surpris par l'une des sept calamités suivantes. Une misère qui fait tout oublier. Une richesse qui pervertit. Une maladie qui ronge. Une sénilité qui fait radoter, une mort subite, le faux messie qui est le pire mal à venir, ou l'heure qui sera plus terrible et plus amère encore. » At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan. Hadith jugé faible par Sheikh Al-Albani. Rahimahullah. 579. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, pensez fréquemment à ce qui mettra un terme au plaisir, la mort. At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan. 580. D'après Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se levait au premier tiers de la nuit et disait, ô gens, évoquez Allah, faites le dhikr. Ar-Rajifah, le premier soufflement dans la trompe, approche, suivi par Ar-Radifa, le second. La mort et tout ce qu'elle implique s'approche. La mort et tout ce qu'elle implique s'approche. Ô messager d'Allah, dis-je, c'est-à-dire Obey, je prie sur toi. Quelle proportion de mes prières dois-je te consacrer? Autant que tu veux, répondit-il, alayhi salatu wassalam. Le quart, suggérai-je. Comme tu veux, dit-il, mais si tu y consacres davantage, ce sera mieux pour toi. La moitié, proposai-je. Comme tu veux, dit-il, mais si tu y consacres davantage, ce sera mieux pour toi. Les deux tiers, dis-je. Comme tu veux, répéta-t-il, alayhi salatu wassalam, mais si tu y consacres davantage, ce sera mieux pour toi. Dois-je alors te consacrer toutes mes prières, demandai-je. Si tu le fais, annonça-t-il, sallallahu alayhi wasallam, tes soucis seront dissipés et tes péchés pardonnés. At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan.